Vendredi 20 septembre 2013, 17h30, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver pour regarder, observer, analyser, réfléchir, parler du 9e art pendant cette heure qu'on a le plaisir de vous proposer de manière hebdomadaire. Et une heure cette semaine qui sera toute spéciale, puisque je ne sais pas si vous le saviez, mais cet été, on a eu de la belle visite à Québec. Passage dans la capitale de l'auteur Mathieu Sapin, qui était ici pour une résidence d'un mois à l'invitation du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Alors, un mois passé à observer, passé à aller dans différents événements pour en produire, pour en tirer des reportages BD, certains plus sérieux, d'autres moins sérieux, qui seraient diffusés dans différents magazines en France, notamment le magazine Spirou. Et évidemment, on a profité de son passage ici pour discuter avec lui, pour échanger, en accent tout particulièrement sur justement la dynamique du journalisme en bande dessinée, du documentaire en bande dessinée. Il faut dire que Mathieu Sapin, certes, est connu pour des séries jeunesse, pour des séries de fiction, pour des collaborations à saveur de fausses autobiographies, notamment on pense à MKM qu'il a mené avec Lewis Trondheim. Et également, eh ben, il s'est fait connaître tout particulièrement au fil des dernières années avec son travail sur la BD documentaire. On pense au journal d'un tournage, au journal d'un après-tournage qu'il a fait autour du film et autour du tournage du film Gainsbourg, vie héroïque de Johann Sfar. Également, le journal d'un journal qu'il a fait sur Libération, ce quotidien français bien réputé, et également tout récemment, en 2012, je crois, il avait suivi la campagne présidentielle de François Hollande pendant 200 jours. Il en a tiré également un album qui a été publié quelques jours après la fin de la campagne. Alors, beaucoup de dossiers, beaucoup de sujets à discuter avec lui. Ce sera dans quelques instants, dans à peu près 2 minutes, qu'on vous diffuse cette grande rencontre, une heure de discussion avec lui. Petite note avant d'aller en extrait musical, simplement pour vous dire qu'après LOL, un magazine CBD 100% féminin, après la revue dessinée qui conjugue journalisme et bande dessinée, eh bien, il y a également une nouvelle revue consacrée au 9e art qui vient de s'annoncer, baptisée Papier, coédité par Trondheim et Yannick Lejeune, directeur de collection chez Delcourt. On parle d'un trimestriel ici de 192 pages noir et blanc qui proposera des histoires inédites d'auteurs quand même assez reconnus. On pense à Pénélope Bagieux, Guy Delisle, Bastien Vivès, d'autres également qui sont à découvrir. Alors les premiers signeront des histoires longues, les seconds des histoires courtes. La plupart des auteurs sont francophones, mais également il y aurait des Américains ou des Japonais qui devraient aussi être publiés. Alors, premier numéro qui est apparu en fait le 18 septembre. Alors, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, eh bien, pourquoi pas en profiter. Alors voilà pour ce petit clin d'œil et comme bref extrait musicaux cette semaine, Sagar and Swing. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. et il est de passage à Québec. Il est déjà ici depuis quelques semaines, encore ici pour quelques jours. On a le plaisir donc de le rencontrer en fin de cette résidence qui est organisée via le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Je pourrais énumérer les titres de ses nombreux albums. Je m'en tiendrai peut-être au plus récent. Campagne présidentielle, 200 jours dans les pas de François Hollande. Feuille de chou, journal d'un tournage et d'un après-tournage autour du film Gainsbourg, vie héroïque de Johann Sfar. Également, journal d'un journal sur Libération. Entre autres choses, Super Mergeman, François Blatt, journal de la jungle, etc. Donc, un auteur très prolifique qu'on est bien content de recevoir ici à l'émission et en général à Québec également en cet été 2013. Mathieu Sapin, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, de passage à Québec, à peu près un mois dans la capitale, essentiellement pour faire des reportages BD publiés dans différents styles de magazines. Ça va faire un mois que je suis ici et j'ai accumulé de la matière, comme on dit, pour faire des petits reportages pour Spirou, notamment. Et aussi, j'écris en parallèle un récit un peu farfelu, mais qui est inspiré de la vie réelle. Et donc, où je me mets en scène. Et il m'arrive tout un tas de trucs assez rocambolesques, mais c'est inspiré de scènes vécues. Et donc, comme ça se passe beaucoup à Québec, des scènes vécues ici. Parce que justement, le voyage et déplacement, la nouveauté, dans le fond, devient une certaine inspiration, autant pour le BD journaliste ou le BD documentariste, autant pour l'auteur traditionnel. Voilà. Moi, en fait, je passe souvent de l'un à l'autre. C'est-à-dire que je fais des bandes dessinées type documentaire qui s'inspire de la réalité, où je décris la réalité. Et en parallèle, j'aime bien aussi faire des récits complètement de fiction, mais inspiré par ce que je vois. Et donc, j'aime bien comme ça passer de l'un à l'autre et parfois aussi un peu brouiller les cartes. Oui, parce qu'en plus à ça on rajoute aussi la BD jeunesse. Vous en faites beaucoup. Donc d'une certaine manière, est-ce que ça devient une variété qui est aussi nécessaire en fait pour pas se sentir cantonné dans un style ou pour pas avoir toujours l'impression de refaire la même chose, je sais pas. C'est surtout des occasions qui se présentent et moi j'ai du mal à me fermer des portes. Donc j'aime bien effectivement varier les publics, varier les types de livres, et je passe d'un livre jeunesse à une bande dessinée documentaire. Et moi, ça, pour moi, c'est plus des respirations et puis des changements de rythme que je fais par plaisir, mais je reconnais que ça peut être un peu déroutant. Parce que même à la limite, en fait, tu dis des changements de rythme, j'aurais presque envie des fois en regardant le type de produit, si on y va en général, pas simplement autour de l'œuvre de Mathieu Sapin, mais c'est presque des métiers différents. J'ai pas l'impression qu'on fait de la BD traditionnelle comme on fait de la BD documentaire ou comme on fait de la BD jeunesse non plus. Ouais, on peut dire ça comme ça, mais en même temps, moi, j'ai pas l'impression de changer vraiment de style, ni même de regard. C'est plus des codes graphiques et puis des conventions que je vais utiliser d'une manière ou d'une autre selon les projets, mais c'est sûr que quand je passe de campagne présidentielle à une adaptation BD des Malheurs de Sophie, on est vraiment dans des registres très différents. Et j'aime bien ça, j'aime bien vraiment changer comme ça, de me reposer. Quand on fait une BD documentaire sur un sujet aussi sérieux que la politique, ça peut être un peu stressant et il faut faire attention à pas dire de choses inexactes. Et il faut faire attention aux implications qui concernent des personnages réels. Il faut avoir un dessin qui est précis parce qu'on décrit des vrais lieux, donc on peut pas partir dans toutes les directions. Il faut être toujours dans une certaine forme de réalisme. Et donc tout ça fait que je prends beaucoup de plaisir à traiter ce genre-là, mais en sortant d'un projet comme celui-ci, je suis content d'aller vers un projet jeunesse où là, je sais que je peux vraiment être beaucoup plus libre dans le propos et dans le dessin. Et puis j'imagine aussi dans les échéanciers, campagne présidentielle, si on prend cet exemple-là, et il est sorti une quinzaine de jours après la campagne, donc c'était littéralement une création en continu. Oui, il y a un côté performance, performance physique, parce que c'est vrai que moi je suivais donc la campagne de François Hollande, j'étais dans l'équipe de campagne, et donc j'étais vraiment sur le terrain, donc je faisais les déplacements quotidiens, et c'est un rythme complètement inhumain, et en plus comme je devais rendre compte, enfin réaliser mon livre quasiment en temps réel, c'est sûr que c'était très éprouvant, mais très excitant aussi, mais en sortant de là, voilà, j'avais besoin de souffler. Et oui, j'aurais pas enchaîné directement sur un même projet. Sûr. Parce que dans le fond, au bout du compte, c'était pendant la journée, c'était de couvrir les événements. Ensuite, après le soir, ben, on essaie de condenser, on commence des sketchs, on travaille un peu la préparation album. Voilà. Voilà. Et puis, il faut, comment dire, en permanence, trier, savoir qu'est-ce que je vais raconter, est-ce que je vais garder ça. J'ai fait des déplacements entiers que j'ai pas du tout relaté dans mon livre parce que j'avais pas la place, tout simplement. Et donc, il faut faire un espèce de travail à la fois. Être très proche du sujet et en même temps avoir suffisamment de recul pour pouvoir donner une vue d'ensemble. Et c'est ouais, ça rend un peu zinzin. Ouais. Oui, puis en même temps, c'est il y a un lâcher prise, j'imagine, où il y a une dynamique d'autocorrection qui doit se faire, parce que il y a beaucoup d'éléments, j'imagine, si on est très proche du sujet, si on n'a pas l'occasion de prendre peut-être un moment de recul pour bien saisir ce qu'on a vécu, ben de peut-être trop s'attarder à l'anecdotique, de peut-être perdre le fil dans le fond du récit qui normalement est en train de se tisser. Ben ouais, moi je réagis beaucoup, je fonctionne beaucoup à l'instinct et comme pas mal de gens, c'est normal. On a une capacité à saisir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est. Enfin bon, tout ça, toutes ces décisions là, quand on est sur un reportage comme ça, se font vraiment. On a peu de recul, on a peu de temps pour réagir. Donc il faut tout de suite prendre les bonnes décisions, mais c'est compensé par le fait que dans mon récit, moi, je me mets en scène. Mmh. Donc, toute l'action, je raconte 6 mois donc d'une campagne, et c'est raconté de mon point de vue. On voit mon personnage qui interagit. Donc, je peux prendre en charge des défauts, je peux prendre en charge des erreurs. Je peux dire que tel meeting politique, finalement, m'a pas tellement intéressé. J'ai préféré passer du temps à la cafétéria, des choses comme ça. Tout ça, je peux le raconter parce que c'est vu par mon propre regard. Et du coup, c'est pour ça que je parlais d'instinct, c'est que c'est vraiment une subjectivisation du récit complètement assumé. Oui, donc en fait, l'avatar devient nécessaire pour expliquer dans le fond le style, expliquer les choix éditoriaux, si on peut dire, ou instinctifs qui sont faits, puis parallèlement servir de passeur aussi, parce qu'au bout du compte, on n'apprend rien sur vous ou presque non. Là-dedans, mais dans le fond, vous êtes simplement notre regard, un peu notre avatar aussi. Au bout du compte, l'avatar de l'auteur devient l'avatar du lecteur qui découvre ces univers-là. Bah oui, en fait, le procédé, c'est que le lecteur, par le biais de celui qui raconte, va pouvoir donc découvrir ces univers. Même si c'est vu avec mon point de vue, mais c'est je prétends pas effectivement raconter une campagne d'un point de vue général avec tout ce que ça implique. C'est vraiment voilà, c'est vu par le petit trou de la serrure, et c'est pour ça que moi je dans ces cas-là j'aime bien raconter, par exemple si je suis dans les coulisses, je vais plutôt avoir tendance à raconter ce qu'on voit depuis les coulisses plutôt que ce qu'on voit face à la scène. Et c'est ça qui m'a intéressé dans cette démarche, parce que on peut suivre une campagne, il n'y a rien de plus médiatisé qu'une campagne présidentielle, mais c'est pas du tout la même chose de le voir à la télé que de le voir justement dans les coulisses, parce que les choses sont présentées de manière différente. Je vais pas avoir des scoops véritablement, parce que après coup il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est plus un regard décalé. Mmh. Puis une ambiance, peut-être, d'une certaine manière. Et une ambiance, ouais, parce que par exemple, on n'est pas habitué à avoir les hommes politiques jurés ou tout simplement se détendre, se lâcher. Il y a une scène dans le livre où on voit François Hollande qui est dans les coulisses d'une émission de télé, et puis il est les chemises déboutonnées, le ventre à l'air, en train de commenter la prestation. Ça, c'est des choses qu'on verra jamais à la télé, parce que la télé doit présenter une forme qui est toujours présentable, toujours lisse d'une certaine façon. Oui, et donc moi j'aime bien justement montrer les interstices, ce qui se passe entre ces moments-là qui sont des images fabriquées pour la télé. Et j'imagine que là-dedans, peut-être aussi l'avantage d'un reportage BD versus un reportage, par exemple, documentaire, caméra et le reste, c'est que ça reste un médium qui est très discret. T'es là, t'as ton carnet, t'as ton enregistreuse, un petit appareil photo, puis on peut t'oublier presque. Ouais. Ouais, bah ça c'est une qualité indispensable, c'est d'arriver à ne plus être être extérieur à l'action. C'est-à-dire qu'on est les gens au bout d'un moment s'habituent. Donc moi j'ai passé 6 mois, donc forcément il y a une habitude qui s'installe. Et je profite de ça pour décrire le quotidien. Et c'est sûr qu'une caméra est beaucoup plus impressionnante, enfin dérangeante, en tout cas gênante pour décrire ces moments-là. Et donc il y a toutes les tentatives qui ont été faites étaient systématiquement bridées, soit c'est juste 2 minutes, il y a une caméra qui peut filmer ça, puis après c'est fini. Alors que là, moi c'est mon regard, donc le regard s'arrête pas, quoi. C'est tant que je suis là, je peux témoigner de ce que je vois. Et en même temps, ça reste le reportage, le documentaire, c'est une approche qui existe depuis longtemps, mais j'ai l'impression que l'utilisation du médium BD pour porter ce type de démarche-là, c'est quand même ça existe aussi depuis un certain temps, mais ça explose ces dernières années. Donc ça reste encore peut-être quelque chose de désarçonnant, d'intriguant pour les sources de ces reportages, de ces documentaires-là. Ouais, là sur la campagne présidentielle, par exemple, moi quand j'ai fait ma demande, j'étais étonné de voir qu'ils ont l'équipe de campagne a été favorable à ma présence, parce que tout simplement ils avaient jamais vu ça, ils avaient jamais eu affaire à, donc ils avaient déjà eu des écrivains, il y a déjà eu des films, mais bande dessinée non. Et donc ils se sont dit que pourquoi pas, après tout c'est vrai que la bande dessinée a, comment dire, une espèce de capital sympathie. Et ça peut être, en termes de communication aussi, un moyen de toucher des gens qui ne vont pas forcément vers les autres formes d'expression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la bande dessinée de type documentaire a vraiment le champ libre. Et il y a beaucoup de... On s'habitue beaucoup plus à ce que ce médium parle de tous les sujets. Donc, après, il y a des noms qui reviennent régulièrement, comme Guy Delisle qui s'est fait connaître avec ses bandes dessinées reportages sur Pyongyang, sur la Birmanie, sur Jérusalem. Il y a aussi Étienne Davodeau qui a fait un livre très remarqué sur le métier de viticulteur et qui s'appelle Les Ignorants. Et pas mal d'autres, et maintenant il y a vraiment disons que c'est un genre installé dans la bande dessinée. Et j'ai l'impression que déjà aussi j'aurais presque envie de faire un schisme entre des exemples que tu as mentionnés et ce que tu fais dans une certaine mesure. Prenons Guy Delisle, lui il arrive, il prend ses notes, fait ses trucs, ensuite il peut se donner quelques mois pour voir, pour réfléchir sur l'ouvrage, ensuite il se lance, donc c'est vraiment plus une démarche documentaire traditionnelle. Dans ton cas, j'aurais presque envie de parler de BD journaliste, parce que t'as pas ce recul-là, t'es dans l'instant, un peu comme le journaliste est dans l'instant présent, mais avec la résultante que plutôt que d'avoir une série de petits articles quotidiens, ça devient un ouvrage, un document plus complet, mais t'as le même, je dirais pas la même absence de recul, mais la même perspective que le journalisme. Ouais, mais j'avoue que j'ai toujours un peu... je pense que vraiment être au milieu de plusieurs choses, mais parce que en même temps, j'assume complètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma subjectivité, donc par rapport à un journaliste qui un chroniqueur peut-être, à la limite. Ouais, moi ça me dérange pas, de pas que ça rentre pas exactement dans les cases, mais c'est vrai que on m'a beaucoup on m'a beaucoup invité justement dans des écoles de journalisme, et comme j'avais fait un livre sur Libération, donc sur la vie d'un journal, en plus il y a vraiment une réflexion aussi sur le travail du journaliste. Moi j'ai pas de réponse c'est un ovni. C'est un peu un ovni dans cette pratique-là. Disons qu'en tout cas, voilà, je témoigne d'un événement auquel j'assiste. Alors après, on peut appeler ça du journalisme, on peut appeler ça du documentaire. Enfin, c'est des questions d'appellation. La différence de Guy Delisle, il y a beaucoup de différences, mais c'est vrai que lui, il va peut-être avoir plus de recul, donc construire son récit plus sur un recueil de souvenirs et d'impressions, là où je vais peut-être être plus directement sur le motif, et même si c'est un peu vrai et faux à la fois, c'est-à-dire que moi par exemple quand je fais un livre sur Libération, je le fais dans un carnet, et les pages qui sont dans mon livre sont vraiment les pages du carnet que j'ai pas retravaillé sur ordinateur, je les ai vraiment, j'ai tout simplement scanné mon carnet que j'ai réalisé en direct. Donc, quand je suis sur place, je commence à dessiner. Mais après, ce qui, pour être tout à fait honnête, les pages, je les termine jamais directement. Je les termine dans un deuxième temps, dans mon atelier, à l'aide de photos, à l'aide de toutes sortes de documents qui vont m'aider à terminer voilà ce que j'ai commencé sur place. Donc il y a un côté comme ça très pris sur le vif, et c'est ce que je recherchais parce que je voulais vraiment donner l'impression d'être au plus proche de mon sujet. Et en même temps, j'ai aussi quand même un temps de recul pour finaliser. C'est un peu le passage dans le fond d'un format de type blog côté diffusion, un format de type livre où faut qu'il y ait quand même un tout et en même temps de choisir des sujets qui se prêtent déjà d'emblée aussi à avoir quand même quelque chose de particulier. Bon, un tournage, c'est un milieu, un début, une fin. Il y a quelque chose qui se passe, une campagne présidentielle aussi. Le journalisme, là, c'est plus particulier, j'imagine. Oui, je pense que chacun de ces livres que j'ai fait a comme une espèce de forme. Forme géométrique, c'est-à-dire par exemple le tournage, effectivement c'est comme une espèce de flèche et on suit comme ça, il y a comme une ligne d'arrivée et donc il y a pression qui monte et au bout d'un moment stop, c'est fini. Quand on fait un livre sur un quotidien comme Libération, là c'est plus une espèce de spirale, enfin plus ou plutôt un rond, c'est-à-dire que tous les jours ça recommence. C'est-à-dire que chaque journée est à la fois différente et en même temps respecte un espèce de rythme. Et donc, il faut rendre compte de ça. Évidemment, c'est jamais terminé puisque l'actualité ne s'arrête jamais. Mais moi, j'ai essayé, en tout cas dans mon livre qui raconte 6 mois à Libération, de donner une vue d'ensemble sur ce rythme-là, comme ça, qui est systématiquement et lancinant. Et la campagne, on a encore là une dynamique plus de flèches avec une ligne d'arrivée, mais avec une pression qui augmente par rapport à un tournage, le tournage d'un film. La pression n'augmente pas spécialement avec l'arrivée, avec la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que il y a des pics, il y a des pics et puis bon. Alors que la campagne présidentielle vraiment est fait pour construire une espèce de suspense. Et donc il y a un pic à la fin comme ça. Et à travers ça, c'est des sujets donc qui se prêtent au niveau narratif, mais faut les rendre aussi, faut rendre la réalité dans le format BD. Faut, j'imagine, éviter des pièges, le piège de la caricature, par exemple, ou des choses comme ça, pour bien transposer cette réalité-là, mais faire aussi, prenons exemple François Hollande, que François Hollande, il y a l'homme politique, il y a l'image qu'on voit à l'atelier, et le personnage BD aussi qu'on va retrouver dans la campagne présidentielle. Ah oui, alors c'était quelque chose qui était que j'avais vraiment à l'esprit quand j'ai commencé ce bouquin sur François Hollande. Moi, je le connaissais pas spécialement comme homme politique. Il était, faut dire ce qu'il y a, c'était quelqu'un qui était plutôt en arrière dans la vie politique française et qui tout d'un coup s'est imposé. Et je voulais pas le dessiner ni le raconter vu au travers des médias et encore moins des autres dessinateurs parce que il a été évidemment beaucoup dessiné, caricaturé. Et donc, je trouvais ça plus intéressant de le dessiner. Mais vraiment d'après nature et pas d'après les images de la télé ou ce qu'on lit dans le journal. Et du coup, forcément, on a une image qui est différente parce que le problème que j'ai avec la télé et puis même les dessins dans la presse, c'est qu'au bout d'un moment, le personnage devient autre chose que la réalité. Ça devient vraiment un personnage. Et donc moi, j'en ai fait aussi un personnage, mais en me basant à la source, en me basant vraiment sur ce que je voyais. Et du coup, là, aujourd'hui, encore plus que jamais, quand on fait une caricature de caricature de caricature, on prend le risque d'être assez déconnecté du sujet réel. Arabe, oui, exactement. Donc l'idée, c'est de se reconnecter. Et comme tu avais accès, dans le fond, au personnage, à l'individu, dans le fond, voilà. L'idée, c'est de profiter justement de cette proximité-là pour aller à la source plutôt que de s'inspirer d'autres regards qui ont aussi, de toute façon, leur perception de cette personne-là. Exactement. Et en même temps, donc de cette manière-là, ça permet d'ancrer un peu aussi. Est-ce qu'il y a une recherche visuelle qu'on fait avant? Est-ce qu'on s'amuse à essayer de les dessiner, sachant qu'on va les rencontrer, ou on y va quand même simplement sur le terrain? Comment on se prépare, je veux dire, à se lancer? C'est parce que de la façon que tu m'en parles et de la façon que j'en ai lu aussi, que j'ai lu certains de ces récits-là, c'est des marathons, autant pour ceux que tu suis que pour toi qui les suis. Donc comment on se prépare? Eh ben, on se prépare pas. On se prépare pas tellement. Sincèrement, ces trois livres que sont celui sur la campagne, sur Libération et sur le tournage de Gainsbourg Vie héroïque, à chaque fois se sont décidés à la dernière minute parce que l'opportunité s'est présentée. Et j'ai jamais eu vraiment le temps de me documenter, de réfléchir, et c'est pas plus mal parce que du coup, je suis directement plongé dans le bain par exemple, quand j'ai travaillé sur Libération, je me suis documenté sur Libération, mais pendant que j'étais là-bas. Et donc tout ce que j'ai pu lire, voir, je me suis pas fait une image a priori. Et je pense que c'est pas plus mal parce que si on se documente trop en amont, après peut-être on perd On a déjà une opinion. Exactement, on a déjà une opinion et on perd l'espèce de premier regard qui est très important parce que le premier regard c'est vraiment là qu'on est étonné. Il y a certaines choses qui nous étonnent plus que d'autres. Les premiers jours, les premières semaines sont vraiment le moment où l'attention se fixe tout de suite sur certaines personnes, certains lieux, certains trucs. Et si on a trop préparé ça en amont, on est un peu comme ça déjà blasé avant de découvrir. Et donc se laisser surprendre, suivre un peu le flow. Et j'imagine au cours de ça, parce que je reste avec l'exemple de campagne présidentielle qui me semble assez parlant, mais plus le tournant, plus la campagne avance, plus on a l'impression aussi que tu réussis à te rapprocher des cercles peut-être un peu moins accessibles. Ouais. Alors ça, c'est ce qui est évidemment après, a posteriori, c'est toujours facile de résumer les choses. Mais sur le moment, évidemment, je savais pas. Je savais pas si j'allais être accepté dans l'équipe de campagne quand je commence le livre, et je savais évidemment pas quel allait être le résultat de l'élection. Et du coup, mon livre raconte un peu deux dynamiques, l'une c'est la dynamique du candidat et donc de son parcours pour être élu, et ça se termine bien pour lui. Et une autre dynamique, c'est la mienne, qui est celle de me rapprocher le plus possible du candidat pour pouvoir avoir le moins de filtres entre ce que je vois et puis là où ça se passe, quoi, l'action. Et donc là j'ai eu beaucoup de chance parce que il y a une espèce de confiance mutuelle qui s'est créée entre l'équipe de communication et moi, et donc au début je suis très très loin, je suis tout ça en même temps que la presse, et encore je suis un espèce de journaliste de troisième zone, donc je vois j'ai les informations après tout le monde et puis je vois les choses vraiment de très loin. Et au fur et à mesure, je parviens à me rapprocher de plus en plus de l'équipe de campagne, puis dans l'organigramme de l'équipe de campagne, vraiment de l'équipe resserrée, et pour à la fin vraiment me retrouver dans le bureau de Hollande le jour du premier tour et surtout le jour du second tour, où là on est quatre. Donc c'est c'est vraiment une espèce de d'aboutissement. Alors, j'étais pas tout seul dans cette démarche. Il y avait aussi Laurent Binet, qui est romancier, qui a fait un roman sur la campagne et qui a eu aussi ces prérogatives-là. Même si lui, il était un peu avantagé parce qu'il est parti plus tôt que moi et il avait il avait été adoubé. Mais donc, lui, il savait, il était déjà assez conforté dans l'idée de suivre ça un peu aux premières loges. Alors que moi, j'étais dans ce suspense. Je sais pas du tout si je vais pouvoir me retrouver comme ça à la fin aussi près. Et c'est ça qui motive aussi le livre. C'est-à-dire qu'on suit un peu il y a ce suspense-là qui se crée. Et on va continuer de parler justement de ces livres-là, peut-être ouvrir aussi sur le reste de ta production très, très vaste, très riche. Alors, Mathieu Sapin, tu restes évidemment avec nous. On prend une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 14 octobre, 20h, au Cercle, bleu contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeu, musique, un événement hors du commun. Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527-80-97 ou au cpcq.ca. Tous les dimanches de 14h30 à 16h, le voyage imaginaire vous est offert par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire, avec sa cuisine aux saveurs d'ailleurs ouverte sur tous les horizons du monde, ses soirées musicales thématiques, ses mardis swing et ses concerts découvertes du samedi. Au cœur de Québec, au 181 Saint-Vallier-Est, le Café Babylone, laissez voyager vos sens. cafébabylone.com. Le 29 septembre, de 9h à 11h, CKRL présente en direct de la ligne de départ sur la 3e avenue, son émission spéciale, La course de la cité Limoilou. Plus de 550 adultes et 85 enfants sont déjà inscrits. Animation, ambiance musicale et plaisir au menu de cette matinée mouvementée. Une collaboration du SDC 3e avenue, Spectrum, OX, Défi Entreprise, Brunet et CKRL. Les bénéfices recueillis iront à 4 organismes communautaires de la 3e avenue. Télé-Québec, c'est le grand jeu des animaux. Un quiz amusant pour toute la famille. Chaque semaine, testez vos connaissances du monde animal. Comment appelle-t-on le petit du hérisson? Pas facile, hein? Le grand jeu des animaux, c'est pas bête. Et c'est à Télé-Québec, ce soir, 19h. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soulfinger. Ça groove à CKRL 89.1. Écoute de la vie en BD ici sur CKRL 89.1. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30. Et si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, vous le savez, on a le plaisir de discuter avec l'auteur Mathieu Sapin. On s'est beaucoup attardé dans la première partie justement à son travail en BD journalisme avec des livres sur le tournage du film Gainsbourg, Vie héroïque, sur le journal Libération, sur la dernière campagne présidentielle en France. Alors on va peut-être continuer un peu là-dessus avant de passer, d'ouvrir et de faire un clin d'œil à tout le reste, parce que c'est impressionnant à quel point il y a des ouvrages, donc faut choisir, faut classer. Et tout à l'heure, on parlait justement du côté du fait qu'on raconte, qu'on présente des événements qui sont vrais, des personnes qui sont réelles, qu'on transforme dans le fond en personnages de bande dessinée, en BD documentaire évidemment, donc en respectant aussi le réel. Mais quel retour on en a de ça justement, de ces personnes? Est-ce que on a eu des impressions des acteurs, par exemple, de la campagne présidentielle, des comédiens du tournage, des gens qui peuplent dans le fond ces ouvrages-là? Oui, à chaque fois, j'ai eu des réactions, bien sûr. Heureusement, elles sont plutôt positives. J'ai d'ailleurs gardé contact avec des gens à l'Élysée. Donc, il n'est pas impossible que je fasse d'autres projets de bande dessinée politique. Et sinon, la question, c'est d'être juste. Quand on décrit une situation et on décrit des personnages, s'ils sont réels, on a intérêt à être juste. Donc, faut pas non plus être trop positif et évidemment pas charger de manière négative quand c'est pas justifié. Mais jusqu'à présent, les réactions étaient plutôt bonnes. Ouais. On n'a pas le réflexe dans le fond de s'auto-censurer un peu en disant ah je peux pas y faire dire ça même s'il le dit. Mais ben disons que le truc que moi j'utilise, c'est que comme je me mets en scène, mon personnage, parce qu'on peut parler de personnage, c'est-à-dire que la manière dont je me raconte est naturelle, donc je me présente un peu comme quelqu'un de petit, d'assez un peu naïf, limite niais. qui découvre les choses et qui met un peu les pieds dans le plat, qui fait des gaffes, ce qui est on va dire exagéré et en même temps à chaque fois quand même relativement sincère, c'est-à-dire que tous mes étonnements, mes questionnements sont vraiment des questionnements que je me suis posé, ou les gaffes que je raconte sont des gaffes que j'ai faites ou que j'ai failli faire. Et donc comme mon personnage est assez ridicule et assez comique, je prends sur moi plus de négativité que les autres personnages, et du coup ils peuvent pas m'accuser de trop forcer le trait quand je l'ai décrit. Et dans ce cas-là, ça passe plutôt bien. Ouais. C'est même plutôt les gens dont je ne parle pas qui sont, eux, embêtés, en fait. Et parallèlement, on parlait tout à l'heure, en fait, justement, de ton approche quand t'es sur place. Tu pars avec quoi, en fait? Je mentionnais tout à l'heure enregistreuse, carnet, photo. C'est un peu le matériel de base, parce que je pense pas que tu fais tant de croquis que ça non plus pendant que tu assistes aux événements. T'étais pas constamment en train de dessiner non plus. Ouais, bah, la plupart de ces sujets à chaque fois impliquent un déplacement un peu permanent. C'est-à-dire que c'est très rare que je puisse être assis ou en tout cas immobile pendant un temps long et que j'ai le temps de dessiner. Ça arrive, hein. Par exemple à Libération, il y a des moments où voilà, je pouvais dessiner les bureaux, ce qui se passait dans les bureaux. Mais la plupart du temps, même à Libé, je suivais souvent les journalistes sur le terrain. Et puis encore plus pendant un tournage et encore plus pendant la campagne présidentielle, tout bouge tout le temps. Donc c'est impossible de dessiner vraiment. C'est-à-dire que c'est plus de la prise de notes. Je prends des notes, soit dessinées, soit beaucoup des notes écrites aussi, des dialogues, des impressions, des notes, enfin des toutes sortes de notes. Et je complète ça avec effectivement des petites photos que je prends avec une mini caméra qui me sert aussi parfois à faire des petits films pour éventuellement enregistrer une séquence. Parce que autant il est possible de restituer un dialogue, par exemple, auquel je vais participer, autant c'est très difficile de restituer une conversation à 3 ou 4 qui va comme ça bien vite. Pour essayer de restituer ça, c'est évidemment plus facile de filmer et après de redécomposer tout ça. Mais c'est pas toujours possible de filmer parce que parfois, voilà, c'est pas forcément discret, pas forcément. Puis il y a des moments qui peuvent être plus sensibles que d'autres où c'est un risque de filmer, hein, c'est les caméras embarquées. Donc là, c'est la mémoire. La mémoire joue beaucoup. Et tout ça fait que, en tout cas, il faut être très mobile, donc avoir des bonnes chaussures, avoir des poches, beaucoup de poches, pour toujours savoir où trouver son stylo et son matériel. Et ça renvoie aussi, on parlait tout à l'heure du fait que tu vas rapidement aussi à la page pour du moins une première mise en bouche, pour que les événements restent près de toi dans ta mémoire, dans le fond, parce que tu j'imagine aussi beaucoup à ta mémoire là-dedans. Oui, la mémoire joue énormément, mais il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire, comment dire, direct. Par exemple, pour Libération, je me souviens souvent, je fais un dialogue avec quelqu'un et je l'ai pas enregistré. Et donc, après coup, dans un deuxième temps, je vais, comme ça, de mémoire, balancer tout le dialogue écrit. Et j'avais lu que Truman Capote était capable de faire ça, une heure de conversation. Il était capable de rédiger une heure de conversation à laquelle il avait participé après coup. Bon, ça c'est la légende, mais c'est vrai que j'ai constaté que quand on s'habitue à ça, on développe des zones de la mémoire qui sont pas souvent sollicitées et qui sont et assez étonnantes. Et effectivement, il m'est arrivé d'être capable de balancer comme ça 2-3 pages de dialogue qui vont peut-être pas être à la virgule près exacte, mais en tout cas juste dans la restitution. Donc ça, c'est une technique. Et après, une autre manière de faire, c'est aussi que la mémoire, à long terme, c'est-à-dire qu'est-ce que 2 semaines après ou 3 semaines après, je vais garder d'un événement, qu'est-ce qui finalement m'a vraiment marqué, et est-ce que des petites bribes, des choses qui étaient insignifiantes, mais qui me semblaient importantes sur le moment, est-ce qu'elles ont toujours une valeur, et est-ce que, voilà, après 2-3 semaines de recul, est-ce que c'est vraiment important que je raconte telle ou telle chose? Et donc, ces deux types de mémoire, je passe de l'un à l'autre, et c'est comme ça que je procède. Et ça, on a beaucoup les exemples justement de marathons, Libération, Gainsbourg, la campagne, on l'a dit, c'est des marathons, mais quand on donne dans le reportage plus court, par exemple, tu fais des planches pour Spirou, t'as d'autres magazines aussi qui te sollicitent pour des petites planches documentaires, là on est plus dans la courte piste, si on peut dire. Est-ce que l'approche change ou le principe qui fonctionne sur le long est aussi tout applicable sur le court, puis on garde un peu les mêmes contraintes qu'on se donne pour l'un comme pour l'autre? Bah, l'approche change un peu parce que d'abord pour Spirou, on n'est pas exactement, c'est encore un, on est encore dans une espèce de variation de ce genre-là, parce que je me mets en scène de manière vraiment caricaturale, et du coup, je vais décrire des situations réelles, mais en n'en gardant vraiment que l'aspect le plus... comme c'est pour un public jeunesse, et puis qu'on est, c'est pas le but d'être très, très documentaire. C'est plus de faire un récit de manière plutôt humoristique en partant d'une situation réelle. Donc je peux prendre des... Je vais pas inventer des choses, ou alors si je les invente, c'est sur me concernant, mais je vais faire des raccourcis, je m'autorise quand même une plus grande liberté. Et c'est donc pas exactement la même discipline que de faire vraiment un documentaire sérieux sur un sujet. Et en même temps, à travers ça, on l'a mentionné d'entrée de jeu, en fait, y a aussi l'autre variété qui est celle des genres, qui est celle des styles, qui est celle des différents projets. Donc, une variété dans le type d'album, une variété aussi dans la manière dont ces albums sont faits. Il y a des collectifs, il y a des collaborations en duo, des collaborations classiques, scénario, dessin, du travail solo. Donc, encore là, il y a aussi, j'imagine, d'autres types d'ambiances. Donc, ça vient ajouter aussi à la variété de création au niveau thématique, mais aussi au niveau approche de travail. Oui, alors moi j'ai la chance aujourd'hui de vraiment de pouvoir toucher à tout et d'avoir des occasions de travailler sur plein de types de publications différentes et aussi avec des personnes variées et au talent donc à chaque fois différent et très enrichissant pour moi. Donc, par exemple, je fais une série jeunesse avec Marguerite Aboué, qui est donc la scénariste et qui est également scénariste d'une série qui s'appelle Aya de Yo Pougon. Et donc, elle raconte de manière plutôt humoristique des récits d'enfance de sa jeunesse passée en Côte d'Ivoire. Donc là, on est aux antipodes de ma manière de raconter et de... des histoires que je fais habituellement. Et donc pour moi c'est très enrichissant parce que je vais trouver un style d'écriture et puis tout simplement des sujets que je connais pas. Puis c'est de se fondre, j'imagine, aussi dans son univers, plutôt voilà. De vous approprier son univers. Voilà, et donc elle me confie ça, et donc je me retrouve à dessiner ces histoires. Donc ça s'appelle Akissi, c'est la petite fille qui s'appelle Akissi, mais qui sont... Enfin, j'apprends beaucoup à chaque fois sur des sujets comme ça, parce que c'est des choses que j'aurais pas eu l'idée de raconter. Et en même temps, d'ailleurs, pour Akissi, j'ai cru comprendre, en fait, tu disais à la conférence que tu as donnée au Musée national des Beaux-Arts, il y a de ça quelques semaines déjà, que tu n'avais pas encore eu l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire, ouais. et que, dans le fond, c'était un peu à partir de documents, mais en même temps, c'était un peu aussi dans l'esprit de la démarche de ça, qui représente plus une enfance africaine qu'une enfance en Côte d'Ivoire dans des années très, très précises. Oui, à la différence de son autre série, Aya Diop Pougon, qui est très, pour le coup, documentée et très... précise. Là, on est plus dans des souvenirs d'enfance et c'est plus... ça se passe en Côte d'Ivoire, mais ça pourrait se passer au Bénin ou au Mali ou quoi. Donc, il y a plus la volonté d'être juste dans le type d'ambiance d'enfance africaine. Et encore, c'est africain, mais le sujet qui est les amitiés et aussi toutes les bêtises qu'on peut faire sont des sujets universels. Donc tout ça fait que j'ai pas forcément besoin d'avoir vécu ça, mais plus d'être dans le... C'est plus le ton, en fait, qui est important. Et d'ailleurs, en fait, tu parlais d'universalité. Je pense que dans tes séries, c'est celle qui a été traduite en le plus de langues. Akissi a une audience... C'est la bande dessinée que j'ai faite qui a le plus d'audience et qui a effectivement été traduite au Brésil, en Angleterre, en Allemagne. Ouais. Comme quoi, quand on est dans l'enfance, effectivement... ça reste... Mais Marguerite, elle touche un truc très qui parle vraiment au plus grand nombre. Oui, j'ai l'impression, en fait, on parle d'observation, justement. C'est peut-être aussi parce que, justement, c'est raconté à hauteur d'enfant que ça permet aussi, justement, l'approche graphique et le reste. Le reste vient suivre un peu ce choix-là au niveau de la direction. Oui, il y a ça. Et puis aussi un truc qu'elle m'a appris et qui, pour moi, c'était... Ça paraît idiot, mais c'est... C'est la simplicité, en fait. Mais c'est pas une simplicité, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que c'est des récits très simples, mais très efficaces. Et moi, j'ai toujours tendance à compliquer les choses parce que peut-être je veux justement masquer des manques ou j'en sais rien. Mais donc, du coup, je vais avoir tendance à faire des récits très imbriqués avec plusieurs niveaux de narration, plusieurs niveaux de temporalité. Et les récits de Marguerite sont vraiment très simples. C'est une ligne pour raconter l'histoire, mais c'est plus dans les dialogues et dans la... Ouais, dans une espèce de, comme ça, de fraîcheur que on va vraiment... et donc je suis toujours étonné de voir l'efficacité de ces histoires-là. Et parallèlement, je pense que ça t'amène à un point intéressant dans la mesure où tes histoires et les scénarios originaux, si on peut dire, de Mathieu Sapin, qui ne sont pas des adaptations ou du journalisme, eh ben, parfois, justement, on prend un chemin et là, subitement, il y a un deuxième chemin qui arrive. Ouais. Et là, le deuxième chemin se poursuit, le premier chemin s'ajoute. Il y a un crescendo comme ça. Est-ce que c'est un peu déjà planifié au départ dans les plans? Est-ce que tu rédiges un peu à l'instinct? Comment ça se passe, justement, pour... nous amener le lecteur dans ces méandres. Alors moi je pense que ce type d'écriture vient beaucoup de l'influence des jeux de rôle. Moi j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, donc jeux de rôle classiques, hein, pas vidéo. Et donc j'étais plutôt meneur de jeu. Et ce que j'aimais beaucoup avec le jeu de rôle, c'est qu'il y a un scénario, mais qui est plus une espèce de guide. Et à partir de ce scénario, on peut partir dans toutes les directions. Et dans ce cas-là, le meneur de jeu a intérêt à avoir des capacités d'adaptation et d'improvisation très importantes, parce que il a face à lui des joueurs qui peuvent tout d'un coup décider d'aller à gauche plutôt que d'aller à droite, et donc il faut toujours pouvoir assurer le récit. Et je sais qu'ici au Québec, il y a beaucoup de l'improvisation, c'est un truc très très ancré. Donc c'est quelque chose qui, je pense, m'a beaucoup nourri dans mon écriture. Et effectivement, j'aime beaucoup m'amuser avec un récit qui, tout d'un coup, va prendre une tournure qu'on n'avait pas prévue, mais que moi-même, j'essaye de me surprendre moi-même, en me disant que si j'arrive à me surprendre moi-même, je vais surprendre le lecteur. Et donc, l'expression la plus, je pense, manifeste de ça, c'est dans Le Journal de la Jungle, qui est un roman graphique en noir et blanc, paru à l'association, où je raconte... Il y a plusieurs niveaux de narration. Enfin, c'est impossible à raconter, à résumer. En fait, il y a un auteur de bande dessinée qui s'appelle Mathieu Sapin, mais qui n'est pas moi, parce que ça, il vit sur une île et il est plus âgé, beaucoup plus âgé que moi, et plus chiant aussi. Et donc très négatif. C'est un personnage très négatif, mais c'est plus une espèce de projection négative de moi-même. Et donc il y a des flashbacks où il parle de son passé d'auteur de bande dessinée débutant et qui finalement parvient à la gloire et puis après la chute. Donc ça, c'est, on va dire, le tronc principal, mais partent de là plein de sous-histoires. Et en plus, ce personnage, dans cette bande dessinée, il y a une bande dessinée, donc il y a une bande dessinée dans la bande dessinée qui raconte elle-même d'autres choses, et donc on part comme ça dans plein de personnages. Est-ce que tu mets un tableau pour suivre le fil des histoires ou... Et non, c'était rédigé en 6 chapitres que j'ai fait au fur et à mesure, et c'est complètement complètement improvisé. Ouais. Il y a un plaisir à l'improvisation, parce que en fait c'est un schéma aussi que tu as utilisé dans MKM, en fait, où c'est une improvisation en ping-pong avec Louis Trondheim. C'est très excitant parce qu'il y a une mise en danger. C'est-à-dire que quand on commence un récit et puis qu'on est rendu à la moitié et qu'on ne sait pas comment ça se termine, on est comme au milieu d'une rivière et on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire, sinon, tout ce qu'on a fait a servi à rien. Donc, il faut continuer. Et donc, cette mise en danger, elle est très excitante. Dans un autre genre, là, je fais des retours en arrière, mais la campagne présidentielle, c'était pareil. Le fait de pas savoir comment ça se terminait, c'est excitant, parce que c'est très rare qu'on soit vraiment comme ça dans un récit sans connaître la fin. Mais moi, j'essaie de provoquer beaucoup ça. Ouais. La BD sans filet, d'une certaine manière. Bon, après, les risques sont minimes, hein, pas non plus. Il y aura pas mort d'âme. Mais... au pire, ça va faire un livre raté ou. Mais en tout cas, voilà, il y a ce jeu. C'est un jeu, et je pense que ce côté ludique se dégage du livre, et que le lecteur le ressent aussi. Et il y a des auteurs que tu as entraînés aussi dans ton univers. Je pense à Rossi avec Paulette Comette qui est un personnage dans Francis Blatt, et finalement tu prêtes ton univers littéralement à ce dessinateur-là. Ouais, là c'était un pari très. Enfin, moi, c'est Christian Rossi qui est un dessinateur chevronné avec un dessin très très virtuose comme ça qui me propose d'écrire pour lui. Ça m'a évidemment à la fois titillé et en même temps. On est un peu complexé dans ces cas-là parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais faire pour coller avec un dessin comme ça, alors que moi d'habitude c'est un dessin beaucoup plus économique, beaucoup plus comme ça direct. Et du coup je me suis dit, pour pas m'en mêler les pinceaux, le mieux c'est tout simplement de lui proposer de poursuivre une histoire que j'avais commencé. Et donc je lui ai prêté un de mes personnages en me disant voyons ce que ce personnage devient sous la plume de Rossi. Et on s'est beaucoup amusé à raconter ça, justement, parce que pour lui, je pense que c'était comme une récréation où il y a ce côté ludique dont je parlais tout à l'heure. Et pour moi, c'est une extension, c'est-à-dire que c'est un enrichissement du personnage qui, évidemment, prend une épaisseur différente. Et moi, je trouve ça très, très chouette. C'est-à-dire que c'est comme quand on voit un super-héros dans les comics, ils sont... un même super-héros va exister avec d'autres différents dessinateurs et donc va avoir comme ça une espèce d'existence et d'épaisseur beaucoup plus forte. Et en même temps, à l'intérieur de ça, c'est des personnages, et on en voit aussi, Paulette en est un bon exemple, il y en a quelques autres aussi dans ton cursus, des personnages de losers sympathiques, mais qui surfent parfois entre la ligne, juste sur la ligne, où faut qu'ils restent sympathiques, faut qu'ils restent attachants, donc faut qu'il y ait un univers qui les respecte dans leur côté loser, mais ça reste des protagonistes, ça reste des héros aussi, donc il y a une gymnastique, j'ai l'impression, aussi autour du choix du caractère des personnages que tu mets de l'avant. Ça rejoint un peu ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que j'aime bien utiliser une base réaliste, donc m'inspirer de la réalité et forcer le trait en montrant par le biais des personnages des situations complètement grotesques. Donc parfois c'est fantastique, parfois je décris des histoires fantastiques, mais souvent c'est plus l'irruption du fantastique dans notre quotidien. Et qui vient par le biais d'un personnage complètement atypique ou caricatural. Et les choses évidemment marchent très bien quand ce personnage caricatural se confronte à notre réalité. Et je mets un point un peu sur ces regards-là. On revient un peu dans le présent, dans l'actuel. Donc résidence au Québec qui se termine donc le 10 août. Tu t'es intéressé à différents sujets, des sujets plus légers. En fait, j'ai vu sur tes fils de médias sociaux la lutte, l'aquarium de Québec, entre autres, des sujets plus lourds aussi du côté de l'Acmégantic, oui. Entre autres. Ça va se retrouver où? Est-ce qu'éventuellement ça va rester un peu dans les magazines, ou il y aura peut-être un petit ensemble Québec Il y a les pages que je vais faire pour Spirou, enfin que j'ai commencé à faire pour Spirou, et ça probablement ça va se retrouver en livre. Mais par ailleurs, donc là je fais la suite de MKM. Okay. Qui est l'autre projet. Voilà, MKM, donc c'est un diptyque au départ que j'avais fait en 2010, et donc là que je reprends. Et donc où je me mets en scène et je raconte mon quotidien. Donc là je suis à Québec et puis il m'arrive des trucs, sauf que la particularité de MKM, c'est que c'est des histoires paranoïaques sur fond de complot mondial. Donc là mon quotidien ici évidemment sert de prétexte à une trame beaucoup plus romanesque. Et donc c'est ça qui est rigolo, c'est de faire jouer j'ai passé une journée à l'aquarium, et donc il va y avoir une scène qui se passe à l'aquarium avec des bandits, des espions, des choses. Donc l'enfant on joue, c'est que d'un côté il y a les représentations réalistes, si on peut dire, qu'on va découvrir de l'autre côté les représentations plus fantastiques entre guillemets du séjour. Et ce que j'aime bien, c'est que le lecteur soit un peu perdu et se dise, mais qu'est-ce qu'il me raconte là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que je vois que d'après ce qu'il me raconte, ça a quand même l'air crédible. Par exemple, je vais raconter une scène qui se passe au concert de Paul McCartney, et donc je montre le ticket, donc on se dit, ouais, il a vraiment été au concert de Paul McCartney, mais est-ce que cette histoire qu'il me raconte est vraiment... C'est... Et donc, pousser un peu comme ça le curseur pour semer le trouble. Et donc, si on surveille ça tout au long de l'automne? Alors, idéalement, oula, si je commence à m'avancer dans les sorties. Très vague, très vaguement. Très vaguement, j'aimerais beaucoup que ça sorte en début de 2014. Ouais. Et la particularité aussi sur MKM, c'est que c'est moi qui raconte, mais par moment, il y a des auteurs qui sont invités. Il y a des guests. Et donc, je peux pas trop dévoiler pour l'instant, mais il y a des guests de luxe. Ça va être un MKM de luxe. Alors, on met ça dans notre pile de dossiers à suivre et éventuellement à lire. Mathieu Sapin, merci beaucoup. Ben, merci. Merci à CKRL. Voilà, c'est sur ce petit morceau de Sagar et Swing qu'on se dirige vers la conclusion de cette émission. Peut-être petite mention avant de se laisser, simplement pour vous dire qu'il y a des timbres à l'effigie de Superman qui ont été lancés il y a à peu près une semaine par Post Canada pour les 75 ans de ce super-héros qui a été créé par un Canadien, d'ailleurs, incidemment, je vous le rappelle, si vous ne le saviez pas, Joe Shuster de Toronto. Et sinon, au cours de la semaine prochaine, jeudi prochain, il y aura triple lancement à Québec des éditions Pow Pow. Alors, lancement de Croquis de Québec de Guy Delisle, de Glorieux Printemps, tome 3 de Sophie Bédard et des deuxièmes de Sviane. C'est à la Corrigan. C'est en présence également des trois auteurs. Alors, si vous allez y faire un tour, ben, vous pourrez en profiter pour faire autographier, pour faire signer vos albums. Et nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, où on aura le plaisir de discuter avec Francis Desharnais, Caroline Arlard, Caton Iris et plusieurs autres. Alors, ben, c'est un plaisir d'être avec vous cette semaine. Je m'appelle Raymond Poirier et je vous dis à la semaine prochaine.